إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 37 dans l'explication du livre حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة. C'est un livre écrit par le Cheikh Dr. Issam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par Ma'ali al-Sheikh Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc on est dans le chapitre 9 maintenant, le neuvième sujet qui est traité dans ce livre. C'est la fin, en fait, c'est la conclusion du livre. Donc alhamdulillah, et ça commence au chapitre ça commence à la page 298 et ça termine à la page 327. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas lire tous les points. La façon dont le cheikh il a organisé ce chapitre, c'est que premièrement, il a fait une petite introduction pour expliquer le sujet. Premièrement, le sujet c'est quoi? Al-dhabitu fil muwalat al-mukhrija min ad-din wa bayan sabab al-khalt. C'est-à-dire, c'est quoi le principe au sujet de al-muwalat qui fait sortir de la religion? C'est quoi la règle? C'est quoi le principe qui fait que quelqu'un sort de la religion par rapport à al-muwalat? Et la clarification des causes du mélange, hein, et de la confusion qui est arrivée chez certains par rapport à ce sujet-là. Donc le cheikh il commence par faire un résumé, hein, puis à expliquer de façon générale de quoi il parle dans ce chapitre. Puis il donne quatre exemples. Il donne quatre exemples de mélange, de confusion qui se sont produites de la part de certains par rapport à certaines paroles ou certains textes des ulama, hein, sur ces questions-là. Et il va donc donner des exemples, puis il clarifie les exemples de confusion qui se passent chez certains par rapport à ces exemples-là. Donc peut-être pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que c'est ces exemples, c'est que il explique que parfois certains d'entre les jeunes, certains parmi les ignorants, qui n'ont pas de connaissance ou de compréhension des fondements de la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils prennent des citations, et ça on l'a expliqué dans les cours aussi depuis bien longtemps et précédemment, on en a parlé plusieurs fois, mais là, le cheikh il voulait faire un chapitre spécifique sur ça pour donner des exemples. Donc, il parle de jeunes qui prennent des paroles et des citations des ulama, et c'est des citations qui sont parfois générales. Des citations qui ne sont pas détaillées, c'est des règles générales. Ou bien qui sont mentionnées de façon générale, même pour un but spécifique, dans le but de montrer la gravité ou la sévérité de quelque chose. Donc, le cheikh ou le alim, il décide volontairement de laisser l'affaire générale dans une sagesse, dans un but spécifique, c'est-à-dire, par exemple, de montrer la gravité du péché. Ou bien, une citation d'un savant qui est sur la voie d'Ahl-Sunnah, qui fait partie des grands ulama salafiens, mais dans laquelle il y a une erreur. Eux, ils vont prendre cette citation-là ou cette parole-là, dans laquelle il y a une erreur, et puis ils vont l'utiliser comme preuve. Hein? Malgré que cette parole, elle, il y a une erreur, elle est contraire au Coran et à la Sunnah, mais ils ne se réfèrent pas aux paroles des... La plupart d'entre ces takfiriens, ils se réfèrent aux paroles des savants sans les ramener au fondement et aux preuves du Coran et de la Sunna. Ils utilisent les paroles des savants quand c'est dans leur avantage ou quand c'est dans leur intérêt, même si elle est fausse, hein, même si cette parole-là, elle est erronée, hein, ou incorrecte, pour l'utiliser, pour défendre leurs propres idées, même si c'est une parole qui est erronée et qu'elle contredit les preuves du Coran et de la Sunna. L'important pour eux, c'est juste de ramener une parole qui va dans le même sens que ce qu'ils veulent dire. Donc l'important, c'est pas juste de ramener une parole qui va dans ton sens, mais que cette parole que tu ramènes soit supportée par les fondements et les preuves du Coran et de la Sunna. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'introduction, puis on va lire peut-être une ou deux exemples de qu'est-ce que le cheikh a mentionné. On va pas lire les quatre, parce que yani, c'est répétitif. Et en même temps, on en a parlé déjà, on a cité plusieurs de ces exemples-là déjà durant l'explication du livre. Puis on va lire la conclusion que le cheikh a faite. Puis on va donc terminer le livre aujourd'hui, inshallah, ce livre-là. Donc, à la fin du cours, je vous expliquerai comment on va procéder pour la suite, inshallah. Donc le cheikh, il dit comme point numéro, le point donc numéro 9, le chapitre 9, il dit: ومن أهم ما أوقع في التكفير الباطل في باب الولاء والبراء إضافة للأهواء المستحكمة هو عدم فهم منهج أهل السنة والجماعة وعدم ضبط القواعد الشرعية فيضع من جهل معتقد أهل السنة والجماعة بعض النصوص المجملة لبعض أهل العلم أو التي أطلقوها على سبيل التغليظ أو أخطأوا فيها أصلا يبنى عليها المعتقد في هذا الباب ولو خالف النص الصريح والمنهج المتوارث الصحيح بخلاف الطريق الراسخين في العلم السالمين من الأهواء فهم يحملون ما أشكل من كلام أهل العلم على قواعد أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح إنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده وأما إذا استعمل لفظه وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه ترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه حمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه وكان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه انتهى كلامه وليكون الكلام واضحا بالمثال وتأكيدا لفصل أسباب الانحراف في فهم باب الولاء والبراء الآنف فسألخص مما مر قريبا ما حدده أئمة الدعوة النجدية في بيان سبب انحراف الموافقين لهم في الاسم المخالفين لهم في المنهج والرسم في هذا الأصل الكلي. Donc le cheikh il commence en disant que parmi les erreurs les plus importantes qui ont fait tomber yani des gens dans le faux yani le takfir yani erroné et incorrect, hein, le takfir qui est faux, pas le takfir qui est fait sur les bonnes bases et sur la bonne compréhension et sur les principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, hein. Donc eux leur takfir c'est un takfir qui est batil parce qu'il n'est pas basé sur les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et il n'est pas basé non plus sur les principes et les preuves et les conditions et les explications des salafis. Donc les plus importantes choses qui les ont fait tomber dans ce genre de takfir, comme le takfir des Khawarij au sujet de Al-Wala Al-Bara, en plus du fait qu'ils suivent complètement leur passion, c'est le fait qu'ils n'ont pas une compréhension correcte de la méthodologie de Ahl Sunnah et Wal-Jama'ah. Donc ils ne connaissent pas la méthodologie elle-même et la voie de Ahl Sunnah et Wal-Jama'ah dans ces questions-là. Et ça, c'est une chose que tu remarques dans plusieurs d'entre ces jeunes. Ils n'ont jamais étudié, ou en général, ils n'ont pas étudié avec les ulama les principes d'Ahl al-Sunnah et Wal-Jama'ah. Également, ils n'ont pas compris les règles de la charia. Le cheikh dit qu'ils n'ont pas compris et cerné les règles de la charia comme il faut. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que yani celui qui connaît pas la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et celui qui a de l'ignorance au sujet de la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il prend des textes et des citations générales des ulama, OK? Ou bien ils vont prendre des paroles que les ulama ont mentionnées dans le sens de montrer leur gravité ils l'ont laissé général, ils ont pas détaillé dans certaines de ces règles-là. Par exprès, comme je disais tout à l'heure, ou bien des citations dans lesquelles il y a des erreurs chez ces ulama-là, ils les prennent et ils les établissent comme si c'était des bases sur lesquelles ils établissent leurs croyances, même si ces citations-là, hein, eh bien, ils sont en contradiction avec la méthodologie ou les principes qui sont clairs et qui sont corrects parmi les voies et la méthodologie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Pour donner un exemple, parfois des paroles des ulama qui sont mentionnées de façon générale et sans qu'ils détaillent dans certains points pour montrer la gravité d'un péché ou pour faire en fait que les gens s'écartent encore plus de ce péché-là et qu'ils aient peur de tomber dans ce péché-là, ils vont pas, par exemple, ils vont pas mentionner les détails. Ils vont éviter de rentrer dans les détails de ces choses-là pour justement faire en sorte que les gens ne prennent pas ça comme un prétexte pour le faire en ayant un peu de crainte par rapport à cette chose-là parce qu'on a trop détaillé, par exemple. Et pour vous donner l'exemple à ce sujet-là, certaines catégories de shirk ou certaines formes de shirk, parfois, il y a des différents degrés dans certaines formes de shirk que quelqu'un peut faire. Parfois, ça peut être shirk akbar, parfois, ça peut être shirk asghar. Hein, c'est-à-dire, parfois, ça peut être un shirk qui est majeur, qui fait sortir de l'islam, et parfois, ça peut être un shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Et dans certains cours, quand les ulama expliquent, ils parlent aux étudiants et clarifient les choses qui ont rapport avec ce sujet-là, ils détaillent les questions. Ils expliquent qu'est-ce qui est shirk akbar et qu'est-ce qui est shirk asrar, et ils font la distinction claire entre les deux pour justement faire en sorte que les gens puissent comprendre les fondements et les détails de cette question-là. Parfois, en d'autres circonstances, ils ne vont pas détailler. Par exemple, ils vont mentionner le même sujet, mais ils vont pas dire ça c'est par exemple shirk asghar, ça c'est shirk akbar. Non, ils vont juste mentionner de façon générale. Ça, faire ça, c'est shirk. et ils vont pas dire Asrar ou Akbar, par exemple, majeur ou mineur. Pourquoi? Justement pour que les gens disent ah, ça c'est shirk, donc c'est grave, il faut s'en écarter, c'est dangereux. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois certains de ces ignorants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, étant donné que yani, le cheikh ici, il a mentionné que ça c'est un shirk akbar, hein, ou non, pas que c'est un shirk akbar, mais il a juste dit que c'est shirk de façon générale, il n'a pas dit si c'est shirk akbar ou shirk asrar, hein. Donc quand ils entendent ah, c'est shirk, tout de suite ils savent que c'est grave, que c'est un grand péché et qu'ils doivent s'en écarter, hein. Et les ulama, ils font ça exprès, justement, de ne pas dire parfois c'est akbar ou asrar pour que les gens s'en écartent totalement, puis qu'ils aient peur de le faire, parce que des fois, s'ils vont dire « Ah, ça, c'est pas shirk akbar, c'est shirk asrar, donc si je le fais, c'est moins grave. Hein? » Il y a des gens comme ça. Ou bien, parfois, dans certaines questions, comme par exemple, le fait d'abandonner la salat, hein? On sait qu'il y a une divergence entre les ulama, les salafs, sur le fait, est-ce que c'est quelque chose qui fait que si tu pries pas, par exemple, si quelqu'un prie pas par paresse, il fait pas sa prière par paresse, est-ce qu'il sort de l'islam ou non? Et que certains savants ont expliqué que tant que la personne reconnaît l'obligation de la salat, elle sort pas de l'islam. Tandis que si elle nie son obligation, ça c'est clair qu'elle sort de l'islam. Toutefois, si elle, il y en a qui considèrent parmi les ulama que si la personne abandonne la salat, même par paresse, hein, même si ce n'est pas en niant son obligation, que cette personne-là va sortir de l'islam. Donc, des fois, il y a certains ulama, parfois, ils ne vont pas mentionner la divergence. Il y a certains ulama, ils ne vont pas mentionner la divergence dans certains contextes. Ils vont seulement mentionner la position que eux ont adoptée. La position qu'eux ont adoptée sur ce point-là, ou bien ils vont juste mentionner le hadith. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, par exemple, l'entente qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat, alors celui qui l'abandonne, il a mécru. Hein? Ou bien, il y a des hadiths qui mentionnent des choses de ce genre. Donc, ils vont mentionner que si tu laisses la prière, ça c'est kufr. Et ils vont pas détailler la question, ils vont pas mentionner qu'il y a divergence. Pourquoi? Parce que sinon, peut-être que devant certaines catégories de personnes, si tu vas mentionner ça, les gens vont commencer, le shaitan va jouer avec eux, et ça va être une porte ouverte pour eux, pour justement commencer à négliger la salat, ou bien à prendre ça avec moins d'importance. Parce qu'ils vont dire, bon, finalement, s'il y a une divergence là-dessus, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est si grave que ça, parce que ça peut... Il y en a qui disent que ça fait pas sortir de l'islam, donc c'est, dans ce cas-là, c'est pas grave. Hein? A'oubillah. Donc ça, c'est sûr que c'est incorrect comme pensée de s'imaginer que c'est moins important, mais il y a des gens comme ça, malheureusement, à cause de la faiblesse de la foi, ou bien à cause du shaitan, justement, qui joue avec eux, ils peuvent prendre ce genre de paroles-là pour justement se permettre de dépasser les limites. Alors, à cause de ces raisons-là, parfois les ulama, devant les gens, parfois devant certaines catégories de personnes, quand ils font des discours ou des khutbas ou bien des conférences ou des explications, devant les gens du commun ou bien des communs des musulmans, des choses comme ça, ils ne vont pas détailler. Et dans certains livres aussi, des choses comme ça, ils ne détaillent pas. Donc c'est ça que ces takfiriens font. Ils vont prendre ces paroles-là, ces citations-là, et puis ils vont les utiliser de façon générale. Ah, regardez, le cheikh ici, il n'a pas mentionné un livre de détails. Le cheikh, il a cité ça, il a dit que c'est kufr, ou il a dit que c'est shirk. Donc ça veut dire que ça te fait sortir de l'islam. Hein? Donc ils le prennent de façon générale. Ah, le cheikh, il a dit que ça fait sortir de l'islam. Le cheikh, il n'a pas dit que ça fait sortir de l'islam, il a dit que c'est kufr, il n'a pas détaillé. Alors que dans d'autres citations, dans d'autres livres, dans d'autres cours, il a détaillé, il a clarifié en détail. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein? C'est ça que le cheikh il explique ici. Ou bien d'autres citations où le cheikh il a carrément eu tort, et, ou bien il s'est trompé dans cette explication qu'il a donnée, hein? Et donc, alhamdoulilah, les ulama, en général, ils se corrigent les uns les autres. Ou bien ils clarifient l'erreur d'un cheikh quand il a fait une erreur dans une de ces questions-là, il le réfute, hein, dans un livre ou dans une citation ou dans un passage. Hein. Donc, il y a la clarification qui est faite par d'autres ulama, ou même parfois par ce cheikh-là lui-même. Par la suite, il revient sur cette parole. Et c'est arrivé souvent. Hein. C'est arrivé souvent, par exemple, que il y a des fatwas, par exemple, de Cheikh Ibn Uthaymeen qui l'a fait. Et quand des élèves sont allés les voir, par exemple, avec les fatwas en question pour lui relire, eh bien, le Cheikh, il a fait des corrections. Hein, il a fait des corrections à ses fatwas. Et il est revenu sur certains points, certaines choses qu'il avait dit. Ou bien il a clarifié plus certaines de ces paroles-là pour pas que ça soit mal compris par d'autres. Hein? Donc, il y a des raisons. Hein? Il y a des raisons pourquoi ces choses-là ça se produisent parfois. Hein? Et alhamdoulilah, donc, c'est pour dire que les ulama, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper, et parfois même quand ils écrivent un livre, ils mentionnent un point, et ça se peut que ils se trompent dans la façon dont ils l'ont expliqué, ou dans la façon dont ils l'ont dit, ou ils n'ont peut-être pas utilisé le meilleur terme, ou des choses comme ça. Puis par la suite, ils se corrigent, ou bien ils clarifient qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans cette explication-là. Hein, et c'est comme, par exemple, l'exemple de certains qui ont, par exemple, utilisé les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, dans un de ses livres, il parle, par exemple, dans son livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, Les takfirines essaient d'utiliser ce livre-là pour dire « Oh, regardez, il n'a pas détaillé dans la question du fait de juger par autre que la loi d'Allah. » Et donc, ils ont utilisé la parole de Cheikh Al-Fawzan pour faire le takfir des dirigeants. Et quand on est allé voir Cheikh Al-Fawzan sur cette question-là, et on lui a dit « Cheikh, il y a des gens qui prennent votre parole dans votre livre Kitab al-Tawhid pour faire le takfir des dirigeants des pays du Golfe. Hein? » Et le cheikh, il a dit, subhanallah, la parole elle est claire, et même il s'est moqué de ces gens-là, hein, il a rigolé de ces gens-là dans leur ignorance. Il a dit, ça c'est des paroles, des règles générales, hein, et puis ça s'applique pas à des personnes spécifiques tant qu'on n'a pas établi la preuve, et ainsi de suite. Donc, et il a clarifié ces choses-là aussi. Donc, c'est pour dire que souvent c'est ce qui arrive, ces gens-là, c'est les gens, ils ne comprennent pas les principes d'Ahle Sunnah al-Jama'ah, et les ulama, quand ils parlent de ces questions-là, ils vont pas mentionner à chaque fois les détails des règles, des principes et des conditions d'Ahle Sunnah al-Jama'ah pour comprendre ces points-là dans les livres. Pourquoi? Parce que parfois, des fois justement, ils le laissent ouvert, et c'est des choses qui sont expliquées dans les cours et dans les détails quand ils s'assoient avec les élèves et ils font le charh de ces points-là. Là, le cheikh, il élabore parfois, il donne des détails dans le temps voulu. Donc, c'est pour ça. Le cheikh, il dit donc que... Naam. Donc, selon la voix des gens de science... Hein, des gens de science, des gens qui sont fermement ancrés dans la science de la religion et ainsi de suite, et qui sont préservés, qui se sont préservés, qui sont exempts des différentes formes de passion, hein, et bien eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont une parole d'un savant qui leur cause problème, hein, et bien ils ont des règles et ils ramènent les paroles de ces savants-là aux règles des gens d'Ahle Sunnah al-Jama'ah pour les comprendre. Et il mentionne ici la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Jawab al-Sahih, l'Iman Baddala Din al-Masih, le volume 4 à la page 44. Il dit, Cheikh l'Islam, qu'il est obligatoire de, d'interpréter les paroles de celui qui parle les unes avec les autres. Hein? On prend ses paroles, qu'est-ce qu'il a dit ici, et qu'est-ce qu'il a dit sur le même sujet à tel autre endroit, hein, pour savoir quelle est son habitude dans sa façon de parler et dans son utilisation des mots qu'il a, l'utilisation des termes qu'il fait. Hein? Et donc, en sachant la façon dont il emploie les termes et quelle signification il donne à ces termes-là à d'autres endroits, eh bien, on peut savoir son habitude. Parce que parfois, il y a des gens qui... Il y a des ulama, parfois, quand ils parlent, ils utilisent un terme selon une signification. Hein? Et c'est leur habitude, ça. Tandis que peut-être que l'utilisation qu'ils donnent à un terme, c'est pas la signification qui est connue de façon générale, ou c'est pas l'utilisation, le sens le plus connu par rapport à ce mot-là. Ou même des fois c'est, hein, des fois ça peut même être culturel, hein, ou bien social, ou même ça peut être relié à une époque aussi. Parce que parfois on sait que dans certains pays, certaines personnes ont, par exemple, utilisent un terme ou un mot dans un sens, et les gens d'un autre pays utilisent le même mot dans un autre sens. Hein, ça c'est un exemple. Ou bien à une époque, il y a un mot qui était utilisé qui signifiait telle signification, puis à une autre époque, la signification du mot a changé et les gens l'utilisent, ce mot-là, dans une autre signification. Hein? Ça, c'est des exemples. Même des fois, ils ont des usages personnels c'est-à-dire, ils donnent à un mot une signification spécifique à elle-même. Hein? Ils donnent un mot à ce mot-là une signification spécifique. Lui-même seulement. Yani, c'est quelque chose qui est particulier à lui. Il utilise un mot dans un sens spécial à lui-même. Donc, le cheikh dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend tous ces exemples de qu'est-ce qu'il a dit dans différents livres, dans différents cours, et on les ramène ensemble. Et on regarde comment il a parlé de ce sujet-là et comment il a utilisé ces termes dans ses différentes citations. Hein? Puis là, on arrive à savoir quelle est son habitude, comment il emploie ces paroles-là, qu'est-ce qu'il veut dire par ces significations-là. Et on peut s'aider en utilisant cette méthode, on s'aide à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Hein? Et que si il n'emploie pas le terme de la façon qui est son habitude, hein, eh bien, dans ce cas-là, maintenant, yani, on peut savoir que c'était pas ça qu'il voulait dire. Hein. On peut pas prendre sa parole et lui donner une signification différente que ce que lui a voulu dire, parce que par rapport à son habitude. Hein. Donc on peut pas prendre sa parole puis en faire une contradiction. Juste pour donner un exemple par rapport à ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est en train de dire ici. L'exemple que certains ont mentionné par rapport à la parole de Cheikh Al-Fawzan sur le terme salafi et sur le terme du fait de se dire salafi. Par exemple, on voit que Cheikh Al-Fawzan, dans beaucoup de ses livres, il explique qu'est-ce que c'est la salafia, il défend la salafia et il dit oui, il faut être salafi, la salafia c'est yani le groupe de base, le groupe à l'origine, hein, c'est de suivre les sahaba, les tabi'in, et c'est la vérité, c'est la jama'a, c'est le groupe victorieux, c'est le groupe sauvé, et ainsi de suite. Yani, il dit, c'est obligatoire de suivre la voie des salafs, et il faut être salafi, et ainsi de suite. Puis, tu trouves un audio, ou une fatwa, où il dit, par exemple, certains ont rapporté cet exemple-là. Il a dit, si quelqu'un dit, je suis le salafi, hein, ou quelque chose comme ça, yani, le cheikh, il a dit, ça c'est une forme de vantardise ou de fierté, hein, des choses comme ça. Donc, eux, ils prennent cette parole et ils la mettent en avant, puis ils disent, Par la suite, regardez, Cheikh Al-Fawzan, il dit, il ne faut pas se désalafier parce que c'est une vantardise ou des choses comme ça. Il laisse de côté toutes les autres paroles de Cheikh Al-Fawzan, toutes les autres explications détaillées de Cheikh Al-Fawzan sur la question et sur le sujet de la salafia. Alors qu'on sait que Cheikh Al-Fawzan, il fait partie des ulama salafiyin lui-même, hein, et qu'il a défendu la salafia dans des ouvrages, même dans des livres qu'il a écrits, hein, qu'il réfute des gens de bid'a qui ont justement contredit et attaqué et opposé la salafia. Cheikh Al-Fawzan, il a écrit des livres pour les réfuter et pour expliquer et pour clarifier qu'il faut suivre la compréhension des salafs et se rattacher à la voie des salafs et employer la méthodologie des salafs pour comprendre la religion correctement, et qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de voie en dehors de la voie des salafs. Donc, tout ça, ça a été clarifié. Il a même réfuté Al-Bouti dans son livre qu'il a écrit, quand Al-Bouti a voulu critiquer la salafia et les salafis. Cheikh Al-Fawzan, il a écrit un livre pour le réfuter, pour clarifier qu'est-ce que c'est la salafia, et que Al-Bouti, qu'est-ce qu'il a dit sur la salafia, c'est totalement faux. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, comment tu vas prendre une fatwa, la mettre hors de son contexte et l'opposer à toutes les autres paroles qu'il a dit pour mettre sa parole en contradiction l'une avec les autres? Donc, c'est ça qu'il dit ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit « Wa hamlu kalamihi ala khilaf al-ma'na al-lazi qad urifa annahu yuriduhu bithalika al-lafz bija'li kalamihi mutanaqidan » وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه. Donc si tu prends une de ces paroles dans un sens opposé ou contraire à la signification dans laquelle on a l'habitude, et on sait que c'est dans cette signification là qu'il l'emploie habituellement, et tu prends cette parole là dans un autre sens, hein, tu lui donnes un autre sens dans ce contexte là et tu le rends contradictoire avec le reste de ces autres paroles, eh bien, si tu as abandonné justement le sens qui correspond au reste de ces citations, au reste de ces paroles sur ce sujet-là, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Cheikh al-Islam, il dit, tu as déformé la parole de son sens et de son contexte. Et tu as changé l'objectif et le but, qu'est-ce que ce cheikh-là voulait dire, et tu as menti sur lui. Hein? C'est grave. Ça, c'est tiré du livre Al-Jawab al-Sahih, le volume 4 à la page 44. C'est comme ça. Même Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique ici? Cheikh Al-Fawzan, il l'a répété plusieurs fois. Et il l'a mentionné plusieurs fois. Il dit, c'est pas... tu vas prendre une parole, une fatwa d'un cheikh, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font malheureusement. Ils sont sélectifs dans leur façon d'utiliser les paroles des ulama pour aller dans le sens de leur passion. Et donc, ils vont trouver une fatwa dans laquelle le cheikh, il a dit une parole, il répond de façon très résumée. Il résume le cheikh dans ce point-là. Et il raccourcit la réponse. Et il dit la chose générale, sans détailler. Donc eux, ils utilisent cette parole-là. Alors qu'il y a d'autres fatwas qui sont très élaborées, très détaillées, qui expliquent en détail les principes et les règles et les clarifications des différents exemples et des détails et ainsi de suite. Ils laissent ces réponses-là de côté. Et ça, c'est des exemples des gens de la passion, comment ils agissent pour justement... faire le takfir et pour suivre la passion et égarer les gens. Ou bien ils vont prendre une partie de la réponse et ils ne vont pas, par exemple, mentionner toute la parole au complet. Ça, c'est des exemples aussi. Ensuite, le cheikh, après avoir cité cette parole de Cheikh al-Islam, il dit « وَلِيَكُونَ الْكَلَامُ وَاضِحًا بِالْمِثَالِ » وتأكيدا لفصل أسباب الانحراف في فهم باب الولاء والبراء الآنف فسألخص مما مر قريبا ما حدده أئمة الدعوة النجدية في بيان سبب انحراف الوافقين لهم في الاسم المخالفين لهم في المنهج. Donc il dit pour donner des exemples clairs et pour confirmer les causes de la déviation dans la compréhension, pour confirmer dans ce chapitre sur le détail des causes de la déviation dans la compréhension de la loi la wal-bara qu'on a mentionné précédemment, eh bien il dit, je vais résumer qu'est-ce qu'on a mentionné des paroles des imams pour mentionner, donc pour expliquer les causes de la déviation de ceux qui sont en accord avec eux en nom, c'est-à-dire qui montrent qu'ils sont en accord avec ces savants-là en apparence et en nom, mais qui les contredisent dans la méthodologie et dans l'objectif de ce fondement-là, qui est un fondement entier, principal, fondamental. Donc, là, il donne des exemples des exemples de citations qu'on a déjà vues, mais il les résume. Donc, le cheikh, il donne comme exemple en premier, ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ من وضع في الدرر السنية من وضع مقدمتين كاذبتين ضالتين في الموالاة والمعاداة ثم رتب عليهما ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام فأخبر رحمه الله ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب ثم حدد سبب ضلال هؤلاء بسببين الأول أنهم جهلوا أصولا عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها والثاني عدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله مما يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. Donc ici, le cheikh explique que le cheikh Abdel Latif, le cheikh, on a déjà mentionné cet exemple-là en détail, lui, il le résume ici, il dit, il a répondu dans At-Durar al-Sani, le volume 1, la page 468, à ceux qui ont établi deux règles d'introduction égarées et mensongères au sujet de Al-Mu'alat al-Mu'ada, puis ils se sont basés sur ces deux sur ces deux points d'introduction-là pour déclarer apostat les gens et faire des règles en se basant là-dessus, pour déclarer les gens koufars. Et le cheikh, il a répondu à ces deux règles-là. Il a expliqué que ceux qui ont ramené cette idée-là, c'est des gens dont le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est innocent. Et que le cheikh est innocent de cette croyance et de cette voie. Puis il a expliqué, il a mentionné deux causes de l'égarement de ces gens-là. Premièrement, il a mentionné qu'ils ignoraient des règles fondamentales et des bases fondamentales, et qu'on ne pouvait pas parler dans ce sujet-là ou dans d'autres de ces sujets-là sans connaître ces règles générales-là. Donc, ça, c'est la première raison. La première raison, c'est l'ignorance qu'ils ont des règles fondamentales de la religion. Puis, deuxièmement, ils ne savent pas comment comprendre les énoncés et les paroles, et les détails de ces paroles-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont tombés dans la confusion et dans l'erreur, parce qu'ils n'ont pas cherché la compréhension de la religion d'Allah et de ce que Allah disait, et c'est ça qui en fait est la source de la corruption de la religion et qui fait que les gens deviennent confus et mélangés dans leur compréhension à cause de ça, et c'est ça qui les empêche par la suite de comprendre correctement le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il mentionne encore d'autres citations qu'on a déjà lues à ce sujet-là, mais dans tous les cas, dans tous les exemples qu'il mentionne, il mentionne toujours parmi les causes, premièrement, qu'ils se basent uniquement sur leur propre compréhension et il s'attarde uniquement au sens apparent des textes, des paroles des ulama, sans retourner yani, aux détails et aux fondements et aux principes. Hein, parce que des fois, les ulama, ils résument, hein, et eux, ils se basent sur ça. Donc, dans d'autres citations, comme la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Latif ibn Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, dans Ad-Durar al-Sani, à la volume 9, à la page 133, il mentionne que ces gens-là, ils ont imité les Khawarij. Hein, ils se sont accrochés uniquement au sens apparent des textes du Coran, sans connaître leur vrai sens. Et ils en ont fait des fausses interprétations. Et dans le deuxième point, que ce sont des gens qui n'ont pas ramené les paroles des ulama, ils n'ont pas ramené leurs paroles ou leur compréhension aux ulama pour être capable de clarifier qu'est-ce qui est correct, de qu'est-ce qui est faux, hein, de qu'est-ce qui est authentique, de qu'est-ce qui est faible, de qu'est-ce qui est général, de qu'est-ce qui est restreint, de qu'est-ce qui est spécifique, de qu'est-ce qui est yani général et ainsi de suite. Et de qu'est-ce qui est abrogé, de qu'est-ce qui est abrogeant. Donc, ils ont tout mélangé, ces gens-là, à cause de leur ignorance. Aussi, les paroles de Abdullah al-Anqari, Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, dans le volume 9 à la page 157, d'autres exemples qu'il a mentionnés, du fait qu'ils prennent leur science uniquement de leur propre compréhension de certains livres des ulama, comme le livre Ad-Dala'il et Sabil al-Najat. Hein, et ils prennent ces livres-là, ils les comprennent à leur propre façon, sans savoir les raisons ni le contexte dans lesquels ces livres-là ont été écrits par les ulama et à propos de qui, hein, et pourquoi. Hein, et de ne pas prendre la science des hommes de science directement, mais de se baser juste sur les livres et d'essayer de les comprendre par eux-mêmes. Donc ça, c'est un exemple. Une autre parole de Cheikh Sulaiman ben Sihman ici, qui mentionne les causes de l'égarement de ces gens-là aussi. Donc il dit annahum yaqra'un 'ala kalam 'ala an-nas kalam ash-shaykh wa hum la 'ilma lahum wa la ma'rifata ladayhim bi haqa'iq al-umur wa madarik al-ahkam. Donc il dit ils lisent aux gens les paroles du Cheikh alors qu'ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de compréhension des réalités des choses. Hein. Ils ne comprennent pas les règles. Ça, c'est des exemples. Et aussi qu'ils ne comprennent pas yani, la signification des propos qui sont dits. Hein. Et qu'est-ce qu'ils impliquent, ces propos-là. Donc, ils les appliquent sur des champs qui ne sont pas concernés par qu'est-ce que le cheikh a dit. Donc, c'est des exemples, encore une fois. Après, il mentionne les exemples de la parole de cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman, qui mentionne qu'ils ont mal compris certains versets, comme le verset sanouti akum fi ba'd al-amr, verset 26 dans surat 25 et 26 dans surat Muhammad. Donc, le cheikh, il les réfute là-dessus. Et il leur montre qu'ils n'ont pas compris et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas compris, le cheikh il résume. Il dit وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَؤُلَاء الْعُلَمَا حَدَّدُوا أَسْبَابَ الْإِنْحِرَافِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورِ يَدُورُ كَلَامُهُمْ حَوْلَهَا الأول أنهم جهال في الأصول العامة الكلية التي هي مدارك الأحكام الثاني أنهم لم يرجعوا إلى العلماء ليبينوا لهم ما جهلوا من القواعد الشرعية ومواقع الخطاب الثالث بل إنهم أخذوا العلم من مجرد أفهامهم الرابع عدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله. Donc il dit c'est de là qu'on comprend que les ulama on comprend que ces ulama là ils ont délimiter et mentionner yani, les causes de la déviation de ces gens-là, hein, de ces gens qui suivent la voie des Khawarij, qui exagèrent dans le takfir et qui exagèrent dans les questions de al-wala ou al-bara. Les causes de leur déviation tournent autour de quatre points dans les paroles des ulama. La première, c'est leur ignorance des fondements et des bases générales de la religion et de la compréhension des règles de la religion. La deuxième cause, c'est qu'ils n'ont pas ramené les choses qu'ils comprenaient pas ou qu'ils ignoraient aux ulama pour que les ulama puissent leur expliquer et leur clarifier les règles de la religion, les règles de la charia et la compréhension des paroles et des propos et de leurs implications. Le point numéro 3, c'est qu'ils ont pris la science uniquement de leur propre compréhension. Ils se sont uniquement basés sur leur compréhension à eux de la science. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ils s'égarent. Et c'est pourquoi aussi, tu vas voir que beaucoup d'entre eux, ce sont des gens qui agissent comme des philosophes dans la religion. Quand tu veux, quand ils veulent te parler, ils veulent toujours essayer de débattre avec toi. Et quand ils veulent argumenter avec toi, et que tu leur ramènes des paroles des ulama et des clarifications des ulama, eh bien, ils disent, non, laisse tomber les paroles des ulama. Utilise ta raison, utilise ta tête, utilise ta logique. Pourquoi tu vas toujours te référer à des ulama, et peut-être même qu'ils vont t'accuser de taqlid. Ils vont dire, ah, tu fais le taqlid, yani, tu suis aveuglément les savants. Pourquoi? Parce que ils savent que les paroles des ulama de Ahl-Sunnah, eh bien, elles clarifient l'égarement de leur compréhension. Et les ulama ont clarifié et ont expliqué des choses qui vont en contradiction avec ce que ces gens-là disent. Donc, à cause de ça, ils rabaissent les ulama, ils dénigrent les ulama. Et c'est là que tu réalises ça par la suite. Parce qu'ils vont parler des ulama par la suite en disant, ce sont des savants du palais, ce sont des savants qui sont achetés ou vendus par les États, ils ont peur de parler, ils disent pas la vérité ou des choses comme ça. Pourquoi ils disent ça des ulama? Parce que les ulama vont pas défendre leurs idées et vont pas être d'accord avec leur passion. Donc à cause de ça, ils dénigrent les ulama. Allah musta'an. Et le point numéro 4, c'est وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب والتفاصيل. Connaissent pas comment comprendre, comment appliquer les détails des paroles des ulama. Ils savent pas comment s'appliquent ces paroles-là et qu'est-ce que ces paroles-là impliquent. Et il dit وَلْنَأْخُذَ الْأَنْ أَمْثِلَ. Le cheikh, il donne maintenant des exemples, dans les écrits, il dit ولنأخذ الآن أمثلة يتبين من خلالها خلط بعض الكتاب في هذه الأيام في فهم كلام أهل العلم مما يعتبرون امتدادا لمن رد عليهم علماء الدعوة سابقا في تحريفهم لكلام أئمة الدعوة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية آنفا. Donc, ils ont donné des exemples des erreurs, des mélanges qui se sont produits de la part de certains auteurs de ces jours-ci, qui ont mal compris les paroles des ulama et qui prétendent avoir suivi la même voie que les imams de la da'wa, alors qu'en réalité, ils suivent la même voie que ceux que ces imams-là ont réfuté dans leur déformation des paroles de l'imam de la da'wa, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et c'est ce qu'ils font, ça rentre exactement dans l'exemple qui a été mentionné par Ibn Taymiyyah tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font avec les paroles des savants en les prenant en prenant une d'entre ces paroles sans les ramener aux autres pour les clarifier. D'accord? Donc, le cheikh, il commence par mentionner les paroles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre ou dans son explication de Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, les annulatifs de l'islam. Et ils vont retourner, par exemple, à la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les Nawaqid al-Islam expliqués par le Cheikh Al-Fawzan au sujet de Al-Muzahara, Muzahara al-Mushrikin wa Mu'awanatuhum al-Muslimin, le fait d'aider les Mushrikin et de leur offrir de l'aide contre les musulmans. Donc ils vont se baser sur cet exemple-là pour faire le takfir des musulmans, yani, juste parce qu'il y a une aide, sans regarder les règles, les principes et les détails, les clarifications et les conditions et yani, tous les principes de Ahl-Sunnah al-Jama'a à ce sujet-là. On a déjà parlé de ce point-là en détail, dans les exemples précédents, mais le cheikh il explique que c'est pas uniquement qu'il y ait une aide, mais c'est, bien entendu, il faut détailler, il faut expliquer, il faut clarifier que si cette aide-là, c'est une aide qui est basée sur le fait que tu défends leur religion et que tu es en accord avec leur shirk et leur kufr et leur croyance, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam, mais sinon, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de la religion. Et ça, le Cheikh Al-Fawzan, il l'a détaillé et il l'a expliqué dans son charge. Donc, tu ne peux pas prendre une parole ou une citation des savants qui est résumée à un endroit et qui mentionne que celui qui aide les musulmans contre les... celui qui aide les kuffars contre les musulmans de façon générale, yani que c'est, ça c'est kuffre, ça fait sortir de la religion. Toi, tu prends cette citation-là et tu te bases là-dessus pour faire le takfir des gens sans retourner aux autres paroles et aux détails qui ont été mentionnés par les ulama à ce sujet-là. Naam. Donc, il y a aussi un autre exemple qu'il mentionne par rapport à des citations qui ont été faites par certains imams de la da'wah au sujet de la différence entre al-muwalat wa al-tawalli. On en a parlé déjà aussi dans les cours précédents, et on a expliqué les détails à ce sujet-là, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam dans cette question-là. Il y a la question de... Il y a un autre exemple qui est mentionné, c'est au sujet justement aussi de la parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dans ses explications au sujet de demander l'aide des kuffars, et que quand il mentionne Cheikh Ibn Baz, il dit waqaul Cheikh. Je pense que cet exemple-là, on va lire ensemble, inshallah. On va lire des parties de cet exemple-là. Il dit qaul samahat Cheikh Abd al-Aziz Ibn Baz rahimahullah fi majmu' al-fatawa wa qad ajma'a ulama' al-islam ala anna man dhahara al-kuffar ala al-muslimin wa sa'adahum bi ayy naw'in min musa'adatin fa huwa kafirun mithluhum intaha kalamuhu. Donc il y en a qui se basent sur cette parole de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz dans Majmu' al-Fatawa à la page 269, où il dit que les savants de l'islam sont d'accord que toute personne qui aide les kuffars contre les musulmans et qui les aide de n'importe quelle forme d'aide, alors qu'il est mécréant comme eux. Alors, le cheikh dit, « فَأَخَذَ بَعْدَ النَّاسِ تَكْفِيرَ كُلْ مَنْ تَعَوَنَ مَعَ الْكُفَّارِ أَوْ دَفَعَ لَهُمْ مَالًا أَوْ قَاتَلَ مَعَهُمْ عَدُوًا يعني شره أكبر من شر هذا المقاتل ليتوصلوا بذلك كذلك إلى تكفير الحكام تكفير الحكام المسلمين خصوصا حكام البلاد السعودية السلفية وهؤلاء كأنهم لا يعرفون من كلام الشيخ في باب التعامل مع الكفار إلا هذا النص وتناسوا أو تجاهلوا أن الشيخ هو الذي تقلد انتصار الدولة السعودية بالقوات النصرانية على حاكم العراق واستدلوا بنص الشيخ المجمل على تكفير الفعل الذي صرح الشيخ بجوازه بل جعله من الواجبات مما يدل على أن المسألة عندهم مسألة أهواء وانتصار للباطل وبيان هذا من وجهين. Donc le cheikh il dit, ils ont pris cette parole qui est générale du cheikh Ibn Baz. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire, tu vois, ces gens-là, ils ont pris cet exemple pour faire le takfir de toute personne qui collabore ou coopère avec les kuffars ou leur donne de l'argent ou combat avec eux. Hein? Des ennemis qui sont plus mauvais que eux. Hein? Ou bien, il y en a des. Donc, ils ont utilisé ça pour faire le takfir des dirigeants musulmans. Et en particulier, le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Hein? Qui est salafi. L'Arabie Saoudite, on sait qu'il y a un pays qui suit la voie des salafis et qui est sur la salafie. Donc, ces gens-là, ils se basent sur des exemples de citations comme cette parole générale, qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit ici. Et le Cheikh, il dit ensuite, il dit, c'est comme si ces gens-là ne savaient pas que, yani, le Cheikh, yani, il a d'autres paroles que cette parole-là, dans le sens qu'il, dans d'autres citations, il en parle de façon plus détaillée et il clarifie. Donc, ces gens-là, ils agissent comme s'ils ne connaissaient pas d'autres paroles de Cheikh Ibn Baz sur ce sujet-là, comment agir avec les pouvoirs. Ils se basent juste sur cette citation-là. Et puis, ils oublient, ou ils font semblant d'oublier, ils font semblant d'ignorer que le Cheikh était celui, justement, qui a défendu l'Arabie Saoudite et qui a défendu, justement, le fait qu'on pouvait prendre les forces militaires des chrétiens et des juifs et des États-Unis contre le dirigeant de l'Irak, hein, et il s'est basé sur des preuves à ce sujet-là. Il a clarifié que c'était permis. Donc, ils se basent, eux, sur une citation qui est générale ou résumée de qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là pour faire le takfir, hein, de ce que le cheikh a expliqué comme étant permis de façon explicite dans d'autres fatwas, et même qu'il l'a rendu même obligatoire de prendre l'aide des koufars dans certains cas. Donc, yani, comme l'exemple de ce qui est arrivé durant la guerre du Golfe. Donc, ça prouve que, en réalité, ces gens-là se basent uniquement sur la passion et qu'ils veulent uniquement défendre la fausseté, qu'ils sont sélectifs dans les fatwas des ulamas. Quand ils cherchent une parole, ils vont uniquement chercher une parole qui est générale. Ils vont laisser de côté les détails et les clarifications et les choses spécifiques. Et donc, le cheikh, il donne des exemples de ça par rapport à des choses qu'on a déjà expliquées. Hein, choses qu'on a déjà expliquées dans le passé. Et il clarifie les détails donc, par rapport au fait de demander ou d'utiliser, d'employer l'aide des koufars pour combattre des koufars ou un musulman qui transgresse contre nous et ainsi de suite. Et il mentionne les détails de ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. Et on a fait des cours et des cours sur justement cette question-là et on a mentionné les détails des preuves sur ce point-là aussi. Donc, on ne va pas le lire au complet. Et l'exemple numéro 4, c'est des exemples de paroles de savants comme la parole de Ibn Hazm dans Al-Muhalla, le volume 11 à la page 138, lorsqu'il explique le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, et celui qui les prend pour allier, il est un des leurs. Donc il mentionne cet exemple-là et une citation qui a été donnée par Ibn Hazm ici. Et eux, les takfirines, ils vont peut-être, par exemple, se baser sur cette parole-là qui est générale, hein, pour faire le takfir des dirigeants par la suite. Puis, le cheikh, il explique que sur cette question-là, il y a des détails. Et il clarifie les détails de cette question-là. Et il mentionne les citations et les paroles des ulama sur la signification de ce verset-là. On l'a expliqué plusieurs fois depuis le début du livre. Donc, on arrive maintenant à la conclusion. Donc, on va lire ensemble la conclusion et puis on va donc terminer, Inch'Allah. La conclusion, c'est très court, c'est une page et demie. Donc, Cheikh Khilzi wa Khitaman, فكل ما أشكل على طالب الحق من أقوال العلماء وغيرها فعليه أن يرجعها إلى الضابط الكلي المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة وهو أن المخرج من الملة في موالاة الكفار هي الموالاة الدينية التي فيها موافقتهم على دينهم أو الرضا به وبأفعالهم كما كررنا ذلك كثيرا ليرسخ في الأذهان من كلام الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري حين قال donc le cheikh il dit et il conclut avec ça il dit ça c'est une règle que on devrait tous mémoriser et comprendre et se souvenir. Cette règle, c'est quoi? C'est que toute parole, la personne qui cherche la vérité, quand il lit quelque chose dans les paroles des ulama, et que cette parole qu'il lit, elle lui cause de la complication ou de la difficulté à comprendre, eh bien qu'il prenne cette parole et qu'il la ramène à la règle de base et au fondement de base sur lequel tous les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a sont d'accord. Et c'est quoi cette règle de base à propos de Al-Wala wal-Bara? On l'a mentionné plusieurs fois et on l'a dit plusieurs fois à travers ce cours. C'est que qu'est-ce qui fait sortir de l'islam au sujet de Al-Mu'alat des Kuffars? C'est Al-Mu'alat qui est basé sur la religion et dans laquelle il y a le fait d'être d'accord avec leur religion ou d'être satisfait de leur religion et de leurs pratiques religieuses ou de leurs actions. C'est ça qui fait sortir à la base de l'islam. C'est ça qui fait sortir de l'islam dans la question de al-muwalat al-wala wal-bara. Donc il faut comprendre ce principe-là, et quand on lit des paroles des ulama qui nous causent des problèmes dans le sens que elles nous donnent l'impression que c'est général ou que le cheikh en question dans cette citation là on dirait que il fait le takfir juste pour des actions que tu fais ou des choses comme ça par rapport à al-wala wal-bara, et puis on le ramène à la règle de base, et il faut comprendre que c'est divisé en différentes catégories, différents degrés, et que ce qui fait sortir de l'islam c'est le fait de être d'accord avec leurs croyances et de les supporter et de les défendre à cause de leur shirk et à cause de leur kufr, et ainsi de suite. Et il dit, je répète ici la parole pour que ce soit clair et que ça reste dans nos mémoires et dans nos esprits. Il dit, je vais mentionner la parole du Cheikh Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Anqari lorsqu'il dit dans Ad-Durar As-Sariya le volume 9 à la page 158, il dit وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد ابن عتيق، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم، وهذا هو الذي أوجب كفره أما مجرد الاجتماع معهم في المنزل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم المودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا معكم فهذا هو الذي أوجب كفرهم لا مجرد المخالطة انتهى كلامه Donc le cheikh il mentionne cette parole du cheikh Al-Anqari. Ici il dit on nous a fait parvenir que vous aviez un problème à comprendre quelque chose et que yani c'était que vous pensiez que le simple fait de se mélanger avec les kuffars et d'interagir avec eux dans des biens, dans des choses bénéfiques ou dans des bienfaits et des choses de ce genre, ou le fait qu'ils viennent hein, chez le dirigeant, que les kuffars viennent rencontrer le dirigeant dans le but de ces bienfaits-là et de ces interactions-là, que ça, ça faisait partie de Al-Mu'alat avec les mushrikines qui est interdite hein, dans les versets et dans les ahadiths, et il se peut que vous ayez compris cela des livres comme Ad-Dala'il, écrit par le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Cheikh, ou bien du livre Sabil al-Najat du Cheikh Hamad ibn Atiq. Et il dit, et par la grâce d'Allah, c'est cette la signification, elle est claire. C'est que Al-Mu'alat, hein, celle qui fait sortir de l'islam, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est d'être d'accord avec les kuffars sur leur kuffre et de leur montrer l'amour hein, et de les aider contre les musulmans et de rendre bonne leur action et de leur montrer l'obéissance et la soumission dans leur kuffre hein, ou sur leur kuffre. Et les mashaykhs comme le cheikh Sulaiman ibn Abdullah, le cheikh Abdel Latif, le cheikh Hamad ibn Atiq, ils ont mentionné que qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est la mu'alat des mushrikines qu'ils ont interprété comme étant yani celle qui fait sortir de l'islam, c'est d'être d'accord avec les kuffars hein, dans leur religion et de les défendre hein, de venir à leur secours et de les aider et d'être satisfait de leurs pratiques et de leurs actions. Et c'est ça qui les a rendus mécréants et qui a obligé ou qui a nécessité qu'on déclare qu'ils sont mécréants. Hein, mais si c'était uniquement le fait d'être avec eux, physiquement, dans un endroit, sans qu'il y ait aucun signe apparent d'être d'accord avec leur religion, et de vouloir défendre leur religion, dans ce cas-là, c'est juste un péché. Hein, c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et Ibn Kathir, il mentionne dans le verset, l'explication du verset 144 dans Sourate Al-Nisa, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants pour pallier en dehors des croyants », il dit, c'est-à-dire que celui qui est avec eux réellement, c'est-à-dire qu'il les prend pour alliés et qu'il leur montre une amour secrète, c'est-à-dire il leur dit, lorsqu'il est seul avec eux, « Je suis avec vous ». Celui-là, c'est celui hein, dont on mentionne donc qu'ils ont du kufr, yani, qu'ils sont dans la mécréance. Mais c'est pas seulement le fait d'être avec des kuffars, yani, de se mélanger avec eux, que ça veut dire qu'automatiquement la personne elle est mécréante. Non. Donc ça, c'est la fin de cette citation-là. Puis après, il mentionne la parole de Cheikh Abdel Latif ibn Abdurrahman, fi bayan shu'ab al-kufr, allati minha al-muwalat wal-mu'adat wal-rukun, allati qad yuradu biha مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة في الضرر السنية يقول لا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام وفرق بين ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من يسرق من يسرق ويزني ويشرب وينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة وخارج عن سبيل سلف الأمة وداخل في عموم أهل البدع والأهواء. Donc, il mentionne donc cette citation-là qu'on a déjà traduite et qu'on a déjà lue plusieurs fois dans le livre, le volume 1, à la page 478 dans Ad-Durar al-Saniya. Il dit que donc il faut faire la distinction dans les noms et dans les règles et faire une différence entre le fait d'abandonner la salat, celui qui a abandonné la salat ou la zakat ou le jeûne, et, ou celui qui a fait le shirk avec Allah et qui a dénigré le mushaf, ou celui qui, ou entre celui qui a volé, a fait le zina, a bu de l'alcool, ou a pris les biens de quelqu'un, ou quelqu'un chez qui on a vu apparaître une forme quelconque de mualat, comme celle qui est arrivée à Hatib, par exemple. On a parlé plusieurs fois de Hatib ibn Abi Balta'a. Donc, celui qui, il dit le cheikh, pour conclure, il dit celui qui met à égalité toutes les branches de la foi dans les noms et dans les règles, ou qui met à égalité toutes les branches de la mécréance dans les noms et dans les règles, alors il a contredit le Coran et la Sunna. Et il a contredit la voix des salafs de cette Ummah, et il est entré de façon générale parmi les gens de la bid'a et de la passion. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le livre, c'est ce qui vient conclure et terminer le livre Haqiqatul Walay wal Bara fil Kitab wal Sunna. Donc الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Et je vais juste vous parler de comment on va procéder pour la suite. On va maintenant passer à un exemple. On veut maintenant expliquer des exemples de contradictions de Al-Wala wal-Bara chez les Ikhwan, chez les Hizbiyin. Comment eux agissent par rapport à Al-Wala wal-Bara. Pourquoi? Parce que on a entendu beaucoup de critiques sur la question d'Al-Wala wal-Bara de la part des Hizbiyin, qui critiquent les Salafis sur la question d'Al-Wala wal-Bara depuis la première guerre du Golfe qui a eu lieu dans les années 90, début des années 90. Donc, à cette époque-là, c'est là que les Sururiyin sont sortis et qu'ils ont commencé à critiquer les Salafis sur la question d'Al-Wala wal-Bara, et ils ont commencé à essayer de dire que les dirigeants musulmans, et en Arabie Saoudite en particulier, prenaient pour alliés les Américains, prenaient pour alliés les Koufars, et ainsi de suite. Donc, on va voir maintenant, parce qu'on a... On a lu maintenant les détails sur la question d'Al-Wala wal-Bara et qu'est-ce que c'est Al-Wala wal-Bara et les différentes preuves qui ont rapport à ces détails-là. Non, on va voir maintenant chez eux qu'est-ce qui se passe chez les Ikhwan et comment eux conçoivent Al-Wala wal-Bara. On a vu que leur méthodologie dans cette voie-là, c'est la méthodologie des Khawarij. Ils font le takfir des musulmans sur ça. Mais on va voir eux comment ils l'appliquent et comment ils contredisent Al-Wala wal-Bara, mais qu'ils ne disent rien de ces contradictions-là. Et on va donner des exemples, avec des exemples de citations de ces gens-là. Et le cheikh qui l'a écrit, le livre, c'est un livre qui a été écrit par un cheikh qui s'appelle Abu al-Abbas Mansour ibn Abdah ibn Ahmed al-Majidi, et il a été préfacé par le cheikh Muhammad al-Imam du Yémen et par le cheikh Abdel Aziz al-Bura'i, également un autre parmi les grands ulama du Yémen. Donc ce livre-là, il mentionne, et nous on va commencer à partir, parce que dans le livre il est divisé en plusieurs chapitres, il est divisé en 5 chapitres. Hein? De toute façon, tout ça, je vais le répéter au prochain cours, Inch'Allah, au début du prochain cours. Le premier chapitre, c'est Al-Wala wal-Bara et son importance. Et ses signes apparents, ses manifestations. Le point numéro 2, c'est les frères musulmans et leur position vis-à-vis des chrétiens et des juifs. Le point numéro 3, ou le chapitre numéro 3, c'est les frères musulmans et leur position vis-à-vis des idéologies et des voies qui sont destructrices et qui sont importées. Des voies qui sont en contradiction avec l'islam parmi les idéologies modernes, comme le socialisme, la démocratie, le nationalisme, et les idées qu'il faut réunir les religions, et ainsi de suite. On va parler de ça. Et on va parler, le chapitre 4, des frères musulmans et de leur position vis-à-vis des gens de Bid'ah. Et le chapitre 5, les frères musulmans et leur position vis-à-vis de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, comment ils agissent avec les salafis. Pour montrer leur contradiction avec Ahlus Sunnah wal Jama'ah dans les questions de Al-Wala wal-Bara. Donc, on va commencer ça, Inch'Allah, au prochain cours, bi'idhnillah. On va commencer avec le chapitre 2 au sujet de l'aqida de Al-Wala wal-Bara chez les Ikhwan et leur position envers les Juifs et les Chrétiens pour commencer. Et le Cheikh, il a écrit le livre donc il y a plusieurs années, hein, il y a un bout de temps. Le livre est sorti en 2007, première édition. Donc il y a des choses qui ne s'étaient pas passées encore à cette époque-là, comme qu'est-ce qui est arrivé maintenant dans les pays où il y a eu les révolutions et où les Ikhwan ont pris le pouvoir, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Égypte ou ailleurs, on a vu des exemples encore plus clairs. Déjà, il y en avait eu au Soudan, par exemple, il y avait eu le Hassan al-Turabi qui avait pris le pouvoir là-bas. Et on a vu ce qu'il a fait, et on a vu les contradictions qu'ils ont amenées dans les fondements même de la religion par rapport à Al-Wala wal-Bara. Maintenant, on a d'autres exemples avec qu'est-ce qui est arrivé avec Morsi et qu'est-ce qui arrive avec Al-Nahda en Tunisie, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir mentionner des exemples, et même aussi, on pourra rajouter des exemples de certains Ikhwan en Europe et aux États-Unis. Et comment ils opposent les principes et les fondements de Al-Wala wal-Bara dans plusieurs questions, hein, comme Tariq Ramadan et autres, sur ces questions-là, et Al-Qardawi, et ainsi de suite. Donc, on a fini, donc, comme j'avais dit au début, le premier cours, j'avais dit qu'on allait faire ça, qu'on allait commencer par le livre Haqiqatul Wala wal-Bara fi al-Kitab wa Sunnah, et qu'on allait le faire suivre par les contradictions des Ikhwan au sujet d'Al-Wala al-Bara, et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, et on se retrouve, Inch'Allah, samedi, demain pour le cours de le Sharh de Al-Fatwa al-Hamawiyya. Et la suite de ce cours, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته